Bonjour professeur Jean-Paul Mira, vous êtes PUPH et chef de service de la réanimation à Cochin et aujourd'hui vous allez nous parler de la réforme des soins critiques. Alors première question, quelle est la nouvelle catégorisation des soins critiques telle que définie par la réforme ? 20 ans après les décrets de 2002 relatifs à la réanimation et aux soins intensifs, deux décrets ont été publiés le 26 avril 2022 qui concernent les soins critiques et définissent les conditions d'implantation de l'activité de soins critiques et les conditions techniques de fonctionnement de cette activité. Deux modalités ont ainsi été décrites, les soins critiques adultes et les soins critiques pédiatriques. La modalité soins critiques adultes comprend d'un côté les unités de réanimation et les unités de soins intensifs polyvalents qui se substitue aux anciennes unités de soins intensifs et unités de soins continus. Il est défini aussi des unités dérogatoires de soins intensifs polyvalents qui concernent des unités de soins intensifs polyvalents isolées, non contiguës d'une réanimation. Enfin, il existe des soins intensifs de spécialité, cardiologie, neurovasculaire et hématologie. Le décret laisse la possibilité de créer d'autres soins intensifs de spécialité selon les besoins et les compétences locales. La seconde grande modalité de soins critiques concerne les soins critiques pédiatriques qui comprend les réanimations pédiatriques de recours et les soins intensifs pédiatriques polyvalents, les réanimations pédiatriques et les soins intensifs pédiatriques polyvalents. Et enfin, comme chez l'adulte, la possibilité de soins intensifs pédiatriques dérogatoires et enfin des soins intensifs pédiatriques de spécialité, en particulier d'hématologie. Le décret recommande fortement de créer des plateaux de soins critiques comportant au moins une unité de réanimation et une unité de soins intensifs polyvalents contigus. Deuxième question, quels impératifs architecturaux de fonctionnement et de compétences, cette réforme implique-t-elle ? Cette réforme est très importante car elle définit les conditions architecturales et les conditions de fonctionnement des nouvelles unités de soins critiques. Et ces conditions sont essentielles non seulement pour la qualité de la prise en charge des patients, mais aussi pour le mieux vivre la réanimation pour les patients, leurs familles et leurs proches. En particulier, il est indiqué que tout service de soins critiques doit avoir une salle d'attente, une salle d'entretien avec les familles, des chambres individuelles pour les patients, une salle de détente pour les soignants et un hébergement pour la permanence de soins qui doit se situer à proximité des unités de soins, ainsi qu'une salle de réunion collective suffisamment importante pour accueillir le staff médical et le staff paramédical. Il est recommandé d'avoir des plateaux de soins critiques et cette salle de réunion suffisamment importante peut être partagée entre différents services de soins critiques dans les établissements de santé importants. Concernant le fonctionnement, il est précisé que les unités de réanimation doivent avoir au minimum 8 lits de réanimation et au moins 6 lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents contigus. Pour les nouvelles structures ou pour les structures qui vont être modernisées, ce nombre de lits doit passer au minimum à 10 lits de réanimation et 8 lits de soins intensifs polyvalents. Concernant les équipements, même si on ne va pas retrouver de modifications particulières dans le type de monitoring ou de suppléance d'organes des patients, il est indiqué que les lits d'unités de soins intensifs polyvalents doivent pouvoir être équipés comme des lits de réanimation en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Ce point est réellement un point très important auquel il faut être attentif. En termes de compétences, le personnel médical de ces unités de réanimation et de soins intensifs polyvalents est composé de médecins spécialisés, soit en médecine intensive réanimation, soit en anesthésie réanimation. D'autres médecins peuvent participer à la prise en charge des patients, mais ils doivent justifier d'une expérience et d'une formation en soins critiques qui n'est malheureusement pas définie dans ces décrets, mais laissée à l'appréciation du médecin MIR ou anesthésiste réanimateur qui est responsable de l'unité de façon importante pour le fonctionnement médical. Deux médecins doivent être présents hors période de permanence de soins afin d'assurer la collégialité des décisions. Les décrets ont également profondément changé la composition de l'équipe non médicale. Ainsi, en réanimation, il faut deux infirmiers ou infirmières pour 5 lits ouverts et un aide-soignant pour 4 lits ouverts. Ce changement par rapport au décret précédent qui mettait deux infirmiers ou qui ne définissait pas d'ailleurs le ratio pour les aides-soignants, deux infirmiers pour 5 patients, est un changement très important car on voit qu'il n'existe plus aucune discussion sur le taux d'occupation des lits de nos unités pour avoir le personnel dédié à nos services de soins critiques. Pour les unités de soins intensifs polyvalents, le ratio est différent. Il est de 1 ou 1 infirmière pour 4 lits ouverts, jour et nuit, et un aide-soignant, une aide-soignante pour 4 lits ouverts le jour et 8 lits la nuit. Le décret précise aussi qu'il est nécessaire d'avoir un masseur kinésithérapeute spécialisé avec des compétences avérées en soins critiques, et ce, 7 jours sur 7, durant la journée. Ce masseur kinésithérapeute est nécessaire aussi bien pour les lits de réanimation que pour les lits d'unités de soins intensifs polyvalents. À noter qu'il n'y a pas eu de ratio kiné nombre de lits qui a été mentionné. Enfin, je voudrais insister sur l'indispensable présence d'un psychologue dans nos services de réanimation qui est mentionné et qui va pousser un recrutement massif de nos collègues psychologues dans nos unités. Tous ces aspects soulignent l'indispensable multidisciplinarité de prise en charge de nos patients de soins critiques afin de leur donner les meilleurs soins. Troisième question, quelles sont selon vous les perspectives futures d'évolution de notre spécialité vis-à-vis de cette réforme ? Alors, la réforme des soins critiques contenue dans ces deux décrets va obligatoirement avoir des conséquences pour notre spécialité. Dans un premier temps, sur le plan médical, cette réforme désigne clairement qui peut travailler en réanimation et dans les unités soins intensifs polyvalents. Il est indiqué que seuls les médecins titulaires d'un DES médecine intensive réanimation ou d'un DES anesthésie réanimation médecine périopératoire peuvent diriger et travailler dans ces structures. Quand on regarde l'enquête qui a été réalisée par le CEMIR en 2022 et qui a été publiée cette année dans AIC sur les effectifs médicaux des services de réanimation, on voit que près de 300 postes de réanimateurs étaient déjà vacants et que ce manque de médecins qualifiés concerne 2/3 des réanimations. Ce manque de médecins va s'aggraver dans les années à venir, à la fois parce qu'il existe une pyramide des âges qui va vieillissante et parce que cette réforme va bloquer tout autre médecin susceptible de vouloir travailler dans ces structures indispensables dans les établissements de santé. Il est donc clair que les pouvoirs publics vont devoir augmenter de façon importante le nombre de réanimateurs formés, et cela va aller avec la libération du numerus clausus qui a été annoncé. Deuxième perspective de ce décret est d'officialiser la présence obligatoire dans les effectifs des réanimations de nombreuses catégories professionnelles, souvent négligées par nos instances, les kinés 7 jours sur 7, les psychologues en particulier. Donc ça, ça va vraiment nous changer nos unités et nous apprendre à travailler avec des équipes beaucoup plus importantes. L'autre perspective va être l'augmentation du personnel paramédical par rapport au nombre de lits, avec une révision du ratio IDE-lit de réanimation qui devrait passer à une IDE pour deux lits. Et enfin, ces décrets montrent la voie à des réanimations plus importantes en nombre de lits. Et on peut prédire la fin des petites structures pour le grand bien des patients toujours plus graves et qui ont besoin d'être pris en charge par des équipes multidisciplinaires importantes. Globalement, je pense que cette réforme des soins critiques, bien qu'imparfaite et bien que laissant des trous dans la raquette, apporte énormément par rapport à ce qui avait été publié en 2002 et que nous devons pousser à l'application le plus rapide des éléments qui ont été publiés dans ce journal officiel. Merci. Merci, professeur Jean-Paul Mira, de nous avoir parlé de la réforme des soins critiques en réanimation, qui est un sujet d'intérêt.